gosto do teu jeito de agarrar. Tens o poder de me fazer alucinar. Tu sabes bem que eu tenho vontade de te amar. Não sei como podes duvidar. Sabes que eu gosto do teu jeito. Pra mim tudo é perfeito. Eu é. E tu, baby, vai. Não tem nada de me largar. Toque em mim, me aperta, me amassa. Assim não dá, tô a gostar. Não consigo me controlar. Tem cuidado pra me cuidar. Não dá mesmo para parar. Cata da falar a sério. Gosta no tanto, chega mais perto. Agarra desse jeito, meio atrevido. Sabes que eu gosto do teu jeito. Pra mim tudo é perfeito. Eu é. E tu, baby, vai. Não tem nada de me largar. Toque em mim, me aperta, me amassa. Assim não dá, tô a gostar. Não consigo me controlar. Tem cuidado pra me cuidar. Não dá mesmo para parar. Cata dá mesmo pra controlar. Controlar, eu é. Controlar, controlar, eu é. Controlar, cata dá mesmo pra controlar. Controlar, controlar. Fait du bien un peu de kizomba avec le temps pourri qu'on adore. Salut la famille, c'est Francky dans l'After Job là, 16h 18h heureux de vous retrouver. 16h 8 minutes sur Radio Arc-en-Ciel. L'After Job avec Francky le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Belle déco à la radio, hein. Ça sent Noël, hein. Super beau déco. Là, au moins, on est à fond dedans, justement, en parlant de Noël. Eh bien, demain, on recevra le cirque Alexis Grus qui sont dans les studios de la radio avec Tia, normalement, le chanteur. Ça va être du très très lourd. On va parler justement de cette belle fête de fin d'année qui vont se passer au cirque. Et je peux vous le dire, on va en prendre plein les yeux et plein les oreilles. Le cirque Alexis Grus, demain après-midi, en direct dans les studios de la radio Arc-en-Ciel. Ça sera vers 17h30, à peu près 17h. Et puis aujourd'hui, bah, on va accueillir aussi l'association Save Evansing qui vont nous parler justement de la sclère avant bloc. Ils recherchent aussi des bénévoles justement. Et ben, on va en parler avec elle tout à l'heure. C'est Séverine qui sera dans les studios aux alentours de 17h en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Lucenzo, bah oui, forcément, on peut pas démarrer sans un bon Lucenzo à la radio Arc-en-Ciel. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi. 16h10, je pense à tous les chauffeurs livreurs en ce moment qui galèrent parce qu'avec tous les cadeaux de Noël, c'est vrai qu'il y a du boulot. Hein. On leur passe le bonjour, le salam, comme on dit. Lucenzo, Don Omar, Big Ali sur Radio Arc-en-Ciel. que sale el mundo aquí zafao. Nadie la pita se ve cansado. Tiene una tigre acelerado. Duro, morena, conmigo te pega. Se queden con los diamantes y el oro que yo soy el lobo. One life, two worlds, English, Spanish. One night, two girls, English, Spanish. Para saber más locura, morena, ven a mi lado. Alguien va y caperado, quiero ver ese futuro. Para saber más locura, morena, ven a mi lado. Alguien va y caperado. Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy. Es pa' quebrar futuro, vamos a dançar. Avec Francky, aujourd'hui de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Atlas, Radio Latina, Arc-en-Ciel, 96.2 FM, on est bien avec vous. C'est du son bachata, ça, j'adore. C'est lundi. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. On est bien, on est heureux de vous retrouver. Hein. J'ai vu ce matin en région parisienne, là, 600, 700 km de bouchons, c'est énorme. Hein. Ouais, les grèves. Justement, est-ce que vous faites grève, pas hein? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous revendiquez? Vous nous appelez. Aujourd'hui, on vous passe à l'antenne 02 38 43 48 00. C'est le numéro du standard. Et puis, la météo pour demain qui arrive, justement, on vous en parle. La météo. La météo demain, le 10 décembre, ouais, ça passe, hein, dans 15 jours, ça y est, c'est Noël. Eh bien, du soleil, ça c'est la bonne nouvelle, avec pas mal de nuages. Les températures sont pas mal, hein, pour une saison comme ça. 5 petits degrés au lever du jour, et on dépassera pas les 7 degrés. Voilà la bonne nouvelle pour demain. Si vous voulez encore des bonnes nouvelles, eh bien, j'ai des cadeaux à vous filer dans moins d'une demi-heure sur l'arc-en-ciel. On est heureux de vous retrouver. Salut Paul qui est connecté. Salut Francky, belle journée à toi. Je t'écoute du côté d'Orléans. Ouais, salut. La semaine dernière, c'était énorme. On a reçu du monde. La semaine dernière, il y avait Olivier Carré qui est dans la radio, Marie-Agnès Linguet. On va recevoir l'association à 17h, en moins de 17h, Save Event Sing en direct de la radio. Et puis demain, le cirque, Alexis Grus seront dans les studios de la radio. Ça va me faire plaisir aussi. Ça va sentir bon Noël. Heureux de vous retrouver, Francky. Bah ouais, comme ça, l'après-midi, on est bien, tranquille, reposé. Et puis du son caliente avec le son de Nicky Yam. Ça, c'est la grosse nouveauté Radio Arc-en-Ciel. Ça sent bon le son latina. Paris, 16h21. Esperar. Y si conmigo yo te quiero llevar, el tiempo lo podemos controlar y darte toda la noche. No te desesperes que esta noche yo te robaré. Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré. No te desesperes que esta noche yo te robaré. Job avec Francky. Tengo recuerdos, siento sueño, es ver de nuevo todo a mi alrededor. tanto que hicimos y todo lo que hemos vivido, sabes, fue cosa de dos, que lo sé yo. Smoking if you got it, 'cause it's going down. Todo lo que quiero eres tú. I never get to heaven, 'cause I don't know how. Quédate, mi demon, por todo lo que eres tú. Oh, oh, todo lo que quieres tú. Oh, que no es fácil, yo lo entiendo de verdad. No quiero rechazos, quiero abrazos. Sé que lo necesito, no lo hago de verdad. Déjate llevar. Caliente, Last Año, la version salsa Rodolfo Francky dans la radio, 16h-18h. À 16h45, ils seront nos invités, l'association Save Evancing. Justement, ils cherchent des bénévoles. On va parler de la sclérose en plaques aussi. Ça sera dans les studios de la radio, juste avant 17h. Et puis du son Caliente, le son Merror, avec Ozuna qui arrive sur la console et Digisnake. Ese día en el club, pero luego de... talk to? Check this out. My old thing back in the game, gave her the game, but she still left me with the pain. I guess I need a girl again, somebody I can marry, give the world again. Cause the sun don't shine forever, unless it's bad boy, then you know that we ride forever. Necesito una niña, Ciroc o un piña, we in Puerto Rico, una mami latina, yeah. Ya se queda con el pro, el corillo su amiga le llegó. Yo sé que eres una del top, bailame el día y la prendí. Allez, on s'est fourni dans la radio, elle mélange la musique avec DJ Snake. Ça, c'est le nouveau, c'est énorme encore à Ozuna. Le remix est terrible. On est lundi aujourd'hui. Bonne fête à vous, hein, si vous venez d'arriver. Tiens, on va regarder la fête. On va chercher ça sur internet. C'est la fête à qui aujourd'hui? Bah, justement, on va vous le dire. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. 16h31 minutes, si vous venez d'arriver du côté d'Orléans, bienvenue sur le 96.2 FM. Ça sent bon Noël, ça y est, dans moins de 15 jours. Et puis du son à l'ancienne pour bien démarrer cette nouvelle heure. Avec Charade qui arrive, et Gimme the Funky Music. Et ça sonne bon. Juste avant, le Perfect, la version French. Can Do. On est en direct, 16h35, ça fait du bien, les sons funky, musique à l'ancienne. Heureux d'être là, Francky, lundi, mardi, ouais, l'after job. L'after job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Ouais, c'est la fréquence qu'il vous faut, les bons plans. Tiens, samedi, du côté de Orme, le marché nocturne qui aura lieu au Mile de la Poule Blanche, samedi 14 décembre à Orme, à partir de 17h30, distribution de chocolat pour les enfants par le service Enfance Jeunesse. Il y aura de la tartiflette à manger, ça c'est bon. Les Blues Roses seront là aussi, animation Clapploon par la compagnie Orachrome, vin chaud, marron gris. Je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et tout ça avec l'association Saint-Thorme Mettez-Comté. Donc bon plan, le marché de Noël en nocturne, ça va être du très très lourd. Et ne ratez pas ce bel événement. Et ça se passe à Orme, c'est ce samedi à partir de 17h. Dans moins de 10 minutes, nos invités arrivent. Et ça va être du très lourd aussi. Et demain, je vous rappelle que Alexis Grus sera dans les studios, le cirque en direct d'Orléans. Et bien ça va être du très très fort aussi. Et du son qui arrive avec Marvin Gaye. This king says to ourselves, don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra, show and tell. Ça donne envie de danser, hein. J'adore le nouveau micro de la radio, là, directionnel, hein. On est bien. Un nouveau micro à 1000 balles, hein. Je donne les tarifs, moi. Charlie Puth, Marvin Gaye, Meghan Trainor, heureux d'être avec vous dans 5 minutes, nos invités qui arrivent. Et on vous parle d'un mouvement de grève encore qui est reconduit demain, tout de suite sur Radio Arc-en-Ciel en direct. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. Et on remet les couverts demain. Le mouvement de grève est annoncé pour le mardi 10 décembre à partir de demain matin, hein, concernant la fonction publique territoriale. Pour ces raisons, l'ensemble des services municipaux risque d'être perturbé. Restaurants scolaires et accueil préscolaire, post-scolaire. Les informations précises sur les deux groupes scolaires concernés vous seront transmises. Je parle pour Fleury-les-Aubrais, mais aussi pour les autres villes. Donc ce lundi, par le biais de votre enfant ou en consultant le site internet de la ville de Fleury-les-Aubrais. Voilà, vous allez appeler la mairie mairie directement. Enfin, quoi qu'à cette heure-ci, c'est mort, hein, la mairie. Ils sont partis, là. Ça y est, ils dorment. Vous les appelez et ils vous fileront les bonnes informations pour demain. Nos invités qui arrivent dans 3 minutes 43, exactement, juste avant, c'est Bruno Mars avec 24 Magic et c'est sur un arc-en-ciel. Pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on. Put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Hit the toe so clear. I look out. Gangsters, gangsters, bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach, uh-oh. I cannot preach, uh-oh. I gotta show them how I pimp, get it in. First, take your sip, sip. Do your dip, dip. Spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh, we too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me, I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on. Put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic in the air. Hit the toe so look out. Everywhere I go, they be like, hey, je me marre tout seul parce que y a une copine qui m'a envoyé un message. Mon ami, ma chérie. Elle me dit t'as du mal à parler aujourd'hui, Francky. C'est vrai que j'ai du mal à parler. Hein. Ouais, c'est comme ça. C'est le temps que le diesel il se chauffe. En tout cas, bon anniversaire à Nadia aujourd'hui. Voilà, 40 balais. Bah ouais, ça passe. C'est nos invités qui arrivent en direct. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Et j'ouvre tous les micros parce qu'il y a du monde dans les studios. Les invités sont dans les studios de la Radio Arc-en-Ciel. Je veux saluer l'association Save Eventing, si je me trompe pas. On va commencer par la madame. Bonjour madame. Ça va, c'est vrai. Salut Francky, ça va. Et tout dans les. Je suis pas en forme aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai d'autres tensions là. Ouais, j'ai entendu un petit peu tout à l'heure. Je bafouille. Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? Moi, je sais pas. Je suis perturbé en ce moment. Ah. C'est les grèves. Tu veux qu'on en parle? Oh, ça va aller. C'est les grèves qui me perturbent. C'est pour ça. C'est le bordel en ce moment. C'est ça. On va saluer tout le monde et faire le tour de table. Séverine, salut. Tu es qui? Présente-toi. Alors, moi, je suis Séverine, présidente et fondatrice de l'association Save Eventing. Ouais. Voilà. Ok. Ton mari qui t'accompagne. Voilà. Bonjour. Bonjour. Le prénom, le nom, date de naissance. Éric Cheminot en plus en grève. Ah, t'es en grève. Ah, c'est du lourd. Vraiment, c'est du lourd. C'est vive les grévistes. Non, mais après, on les soutient. Après, il faut savoir les bonnes causes. Hein, c'est ouais, tout. C'est... Ouais. Moi, je sais pas. J'y comprends rien dans les grèves. Alors, par contre, demain, ça va chauffer demain encore. Ouais, hein. Pareil. Il y a une grosse manifestation qui se prépare. Ah, du lourd. On fait le tour de table. Après, à ta droite, à ta gauche plutôt. Il se présente. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment? Alexis. Salut, Alexis. Ça va? Ça va, ça va. Ouais, tu fais quoi dans le bureau? Bénévole et chanteur. Ah, bien, bah voilà, un bénévole chanteur, puis on va partir avec ta droite, Séverine, ta fille. Oui. Bonjour madame, mademoiselle. Bonjour. Madame ou mademoiselle? Mademoiselle. Ah, si on vous pécho, nous, c'est pour savoir, on rigole bien sûr. Tu t'appelles comment? Justine. Justine, belle voix. Justine, tu fais quoi dans le bureau? Je suis trésorière de l'association et je suis chanteuse. La thune, c'est important la thune. Hein. Surtout dans une assoce, et on fait le tour de table encore avec le petit dernier, bonjour. Bonjour. Comment il s'appelle ce jeune homme? Kevin. Kevin, il fait quoi? Je suis vice-président et fondateur également de l'association. Ah, ok, la trésorière, ça va, la thune, ça se passe bien? Ça va. Ça va, les comptes sont corrects? Bon. Nickel. Bon, ça marche, ça fonctionne. C'est parfait. Aujourd'hui, bah, justement, vous représentez donc Save Evan Singh. Qui a créé l'association? C'est toi, Séverine? Ouais, c'est moi et Kevin, mon fils. Ouais. Donc, à la base, on savait pas hein, si ça allait marcher, si tu veux, mais on a vraiment fait cette chose parce que, en fait, j'adore la musique, j'adore chanter. Et en même temps, je me bats aussi pour une maladie. Ouais, on va et en parler fait, juste derrière. Voilà, ouais. On a associé les deux et on a fait une belle association. Donc, le bureau, c'est principalement la famille aujourd'hui. C'est une grande famille. Ouais, voilà. C'est une famille même. Ouais, tout pas à fait. Une grande famille, c'est une voilà. famille. Voilà. Et voilà, et donc, ça fait 3 ans maintenant qu'elle existe, cette association. Ouais. Et ça marche super bien et aujourd'hui nous sommes en manque de bénévoles. Voilà, on va en parler justement, ouais. juste avant on parlait de la maladie, tu parles d'une maladie, oui. la sclérose en plaques. Tout à si fait. Si je me trompe pas. Non, c'est bien, tu l'as bien dit. Ouais, ouais, mais bon, malheureusement, pourquoi se battre pour cette maladie justement? Explique-nous un petit peu, Sav. Alors la sclérose en plaques en fait c'est une maladie qui t'attaque le système nerveux, donc en fait qui t'empêche au niveau du cerveau de pouvoir commander correctement, lever une main, marcher. Ah ouais, carrément. Faire plein de choses, ça t'attaque aussi l'intérieur. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont en difficulté. Il y a, malheureusement, on n'est pas beaucoup aidé aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui... Elle est reconnue quand même, cette maladie? Elle est reconnue, oui, tout à fait. Elle est reconnue, mais quand tu as besoin d'aménagement, tu as besoin de plein de choses pour vivre le handicap, tu n'es pas toujours aidé, en fait. Ouais, voilà. À savoir que, malheureusement, tu peux faire toutes les demandes que tu veux. Il n'y a rien. C'est... Il n'y a pas tout en tout cas. C'est compliqué. Enfin là, c'est un dossier énorme. Hein, si on en parlait, voilà, on jusqu'à exactement. Minuit. Hein. Toi, justement, malheureusement, tu es atteint de cette maladie. Oui. Ouais. Depuis 2005. Ouais. 2005, donc ça fait 15 ans. Après bientôt. Ouais, si je tout à fait. J'étais nul à l'école en maths. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Alors ça va être compliqué. Non, non malheureusement. Ouais. Comment on se bat au quotidien, justement, cette maladie? Comment on surmonte cette maladie? Eh ben, écoute, déjà, quand on est bien entouré, on essaie de la surmonter comme on peut. Ouais. Voilà. Moi, j'ai eu des périodes hein, où je me suis retrouvée en fauteuil. Ouais. J'arrivais plus à marcher. Donc, c'est de la rééducation. C'est, tu rencontres les kinés, les médecins, les nouveaux traitements. Et tu te bats au quotidien. Le matin, tu te lèves et tu te dis, il faut que ça marche. Ouais. Après, si ton corps te suit, il te suit. Tu le parles à ton corps, des fois. Ouais, tu... ouais. Oui. Ouais, c'est vrai que des fois... Et c'est mon corps qui me parle aussi quand il me dit stop. Stop. Il te dit, on arrête. On arrête. Voilà, exactement. C'est dans la tête, tout ça, un petit peu, quand tu dis, je parle à mon corps. Bien sûr, on comprend. Alors oui, parce que forcément, ouais. t'essaies de dire à ton corps, il faut y arriver, on va y arriver tous les deux ensemble, parce que tu te bats avec ton corps, en fait. Bien sûr, hein, ouais. Et donc après, pour l'instant, je croise les doigts. En ce moment, tout va bien, à part la fatigue. Donc, ça joue beaucoup sur la fatigue. Énormément, ouais, ouais. énormément, et voilà. D'accord. Et puis tous ces médicaments qu'on prend aussi à côté qui nous détruisent un petit peu, mais bon, on n'a pas le choix. Pas le choix. Ouais. Ouais. Ouais. Ton mari qui t'accompagne au jour au jour, tes enfants aussi, oui, ton mari. Voilà. Ça se passe bien au quotidien. Est-ce que c'est facile aujourd'hui? Non. Non, mais faut être honnête. Hein. Moi, je pose des vraies questions. Faut pas dire tous les jours tout est beau, tout est rose, alors que des fois, ça va pas bien. Non, c'est dur. C'est une maladie très compliquée. J'ai une femme très compliquée parce que c'est quelqu'un qui se plaint pas. Donc en fait, c'est difficile à gérer au quotidien. Ouais. Comment toi justement tu arrives à gérer ça moralement, physiquement, on prend sur soi, les enfants, on en discute entre nous. Bon maintenant, malheureusement, ça fait 15 ans qu'elle est atteinte de cette maladie, donc c'est vrai. Je sais pas si on peut dire qu'on est habitué. Entre guillemets, c'est un peu une habitude. Les séjours à l'hôpital, les poussées, bon de toute façon maintenant on arrive à savoir quand ça ne se sent pas bien, on la connaît par cœur. C'est un quotidien que tu arrives à gérer maintenant par rapport au début, par exemple il y a 15 ans en arrière, c'était plus compliqué. Aujourd'hui c'est beaucoup plus facile. Bah, déjà, aujourd'hui les enfants sont plus grands que le. Ouais, déjà. Donc les enfants ont besoin de s'en occuper. J'ai plus le droit de les gérer derrière. Ils gèrent tout seuls. Ouais. Et donc voilà, oui, on peut, je peux parler d'habitude, on va dire. Maintenant, ouais. C'est plus facile à gérer aujourd'hui qu'il y a 15 ans. D'accord. Justement, ta fille, alors, madame la trésorière ou sous-trésorière, je sais plus. Trésorière. Ça va, trésorière. Bon, comment au quotidien on vit avec maman Alors, au début. Comment on l'aide? Ouais. Au début, c'était très difficile. Ouais. Surtout que j'étais jeune, il y a 15 ans, j'avais seulement 5 ans. Ah ouais, ouais, quand même. Donc, c'était vrai que c'était pas évident. Après, au bout de 15 ans, comment dire. C'est un peu plus simple, on essaye d'être maximum avec elle au rendez-vous ouais. avec les médecins pour qu'on la puisse soutenir. Aussi comprendre. Mmh, ouais. Et après, on essaye de l'aider le maximum possible. C'est ça. C'est l'aider. Un peu difficile ouais, des c'est, fois. Je comprends bien, l'aider, bah, en tout cas, c'est ce qu'il faut faire. Et bah, justement, aider, il faut des bénévoles pour pallier à tout ça. Parce que comme tu disais tout à l'heure, bah, les aides, tout ça, on les a pas forcément, oui. on n'a pas tout ce qu'il faut. Tout à Donc, fait. Donc pour pallier un peu à tout ça, toi, tu as créé bah, justement des animations. Tu fais oui. pas mal de choses avec tous tes enfants, avec tout le bureau, le staff. Voilà, tout Et, à fait. Donc c'est quoi? C'est des karaokés? C'est, des, c'est voilà, des karaokés. Ouais. On ouais. fait des petits concerts parce qu'on est des chanteurs aussi. Ouais, oh, je sais, ouais, des chanteurs. Hein. L'animation DJ. Et puis ouais. voilà quoi. Donc. On fait ça pour les soirées privées, les soirées publiques. Ouais, c'est bien. Ouais. Voilà. On est régulièrement tous les week-ends au restaurant La Typique. Ouais, vous faites votre karaoké, vos dîners d'enfants. Voilà, voilà, tout à fait. Et voilà, donc nous aujourd'hui on recherche des bénévoles parce qu'on en a eu, on en a qui sont partis. C'est pas facile d'être bénévole. C'est pas facile. Voilà, le bénévolat c'est pas évident. Faut donner du temps. Ça je le reconnais. Sans aussi. Argent. Voilà, tout à fait. C'est surtout ça qui est important. Oui, oui, oui. C'est le sans argent des fois qui fait peur peut-être, non? Je pense que le oui, bénévolat au début t'es peut-être motivé machin oui. et avec le temps bah, tu dis ouais mais en fait bon je donne du temps mais j'ai pas de thunes alors à un moment Tout il faut être honnête, faut vivre bien aussi. Sûr ça il faut quelqu'un qui a un boulot à côté bien hein. sûr ouais, exactement ouais. puis justement il y a le fait que les bénévoles travaillent la semaine aussi que le week-end ouais. ils ont pas forcément envie d'être emmerdés voilà donc ils se reposent. Après nous on fait tourner un petit peu quand même tout le monde hein, ouais. pour les week-ends pour pas que ce soit tout le temps les mêmes personnes qui soient là bien sûr mais bon le problème aujourd'hui c'est que ben, on est énormément demandé, donc au niveau des prestations, on est obligé de dire non, ouais. parce qu'on n'a pas assez de bénévoles. Ah ouais, d'accord, ah carrément. Oui. Ah oui, oui. Vous êtes arrivé là. Ah oui. Alors là, vous lancez un appel, je parle à toi, ton mari, la trésorière, tout le staff, tout le bureau. Oui. Là, aujourd'hui, vous cherchez des bénévoles pour faire quoi pour, Alors, l'animation. Ouais. Beaucoup c'est-à-dire... d'animation, en fait, parce que dans l'association. Là, on se spécialise quand même, parce que l'animation, c'est pas donné à tout le monde non plus. Tout à fait. Après, on peut peut-être apprendre aussi, attention. Bien sûr. Des gens qui peuvent arriver. On est prêt, voilà, on est prêt à former, ouais. Tout à fait. Donc, ouais. Parce que nous dans l'association, donc mon mari et moi-même, on anime, ouais. mais on peut pas animer un endroit et être un autre en même temps. Ah ouais, c'est pas impossible. On va se dédoubler. Voilà. C'est dur. Donc voilà, aujourd'hui vraiment c'est l'animation qu'on recherche dans l'association. D'accord. Sur l'animation. Oui. Voilà. Donc si vous êtes de l'autre côté de la radio, peut-être que la place vous intéresse, hein, vous voulez filer un coup de main à la sauce, et ben ouais, pourquoi pas. Vous nous joignez ici à la radio en direct, vous nous envoyez un petit mail ou alors carrément vous nous appelez 02 38 43 48 00 et c'est vrai que c'est dur d'être bénévole, moi je vous le dis, hein, franchement. Ouais. Il y a des bénévoles qui sont payés. Hein. Nous, oui, voilà. tout à fait. Ouais. Hein, mm. Ça, c'est différent. Mais nous, on l'explique bien, en fait, hein, au début, quand ouais. on rencontre les bénévoles, ouais, on dire, explique leur bien dire. Le fonctionnement. Ouais. Et voilà. Ouais. Ouais. Dire. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on a des bénévoles qui sont ultra motivés. Au début. Voilà, au début. Ouais. Six mois après. C'est fini. C'est fini. Bah, je pense parce qu'ils voient le boulot, quoi. Ils se disent, bon, en fait, il faut être honnête aussi. Je suis honnête. Quand tu vois qu'il n'y a rien qui rentre, tu dis, bon, bah, j'aime bien passer 3, 4 heures ou 5 heures voilà, ou 7. Je connais pas les horaires, mais à la fin, bon, voilà. À la thune, hein, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Tout à hein. fait. C'est pour aujourd'hui. Ce qu'on demande, moi personnellement, je travaille ouais. en 3-8. Ouais. Donc c'est vrai que c'est difficile à gérer. Mais là, t'es en grève, là. Donc nous, ce qu'on demande aux personnes qu'on recrute au sein de l'asso, ouais. c'est qu'ils nous donnent un week-end par mois mmh. de leur temps pour nous aider. Un week-end, ouais. Un week-end, ouais. si on trouve beaucoup de personnes comme ça, au moins un week-end. Mmh. Après, s'ils sont là tous les week-ends, c'est encore mieux. Tant mieux, ouais. Mais si au moins un week-end par mois, ils peuvent être dispo pour nous aider, c'est merveilleux. Bah, l'idéal, ça serait de trouver 3-4 personnes qui Bien donnent sûr. Tous un voilà. week-end, au Tout moins, vous avez le mois qui est tranquille. C'est le principe, on était une quinzaine. Ouais, vous êtes combien maintenant? On est plus 10. On est plus 10 maintenant. Ouais, ils ont abandonné les autres. Ouais. Ouais. Mmh. Et vous avez le dire, alors ils se disent quoi? Non, on en a marre, on fatigue. C'est des démissions. Oui, parce que oui, il y a ça. Ouais, ça prend énormément de temps. Et puis voilà, après. C'est compliqué. C'est vrai que quand on n'est pas beaucoup, on appelle souvent les mêmes. Et puis, au bout d'un moment, voilà. Mais ouais. Oui, mais ça, c'est compréhensif aussi. Malheureusement, c'est toujours les mêmes qui tournent. C'est ça, ouais. Moi, je finis une soirée, je vais au boulot derrière. Je finis le boulot. Ouais, il y a beaucoup comme ça. ça. On prend beaucoup de notre temps tous. Donc bon, un peu c'est. Et ça joue aussi également sur la santé aussi. Bah, sur la fatigue, la santé, le job aussi. Moi, je t'avouerai qu'il y a des fois, il y a des soirs. Tu fatigues. Je suis crevée, mais voilà, je vais le faire parce que j'aime ce que je fais. Et des fois, t'as pas le choix aussi, entre guillemets. Tout à fait. C'est ça, parce que quand t'aimes ce que tu fais, que t'as pas le choix, t'es obligé d'aller au taf. Exactement. Même s'il y a rien derrière, forcément. Voilà. Alors, il faut savoir que vous faites des soirées, mais il y a une partie des dons, enfin de la thune qui arrive, qui est reversée, c'est ça? À l'ARCEP. Tout à fait. On va être honnête. Hein, ouais. Donc il y a une partie qui est reversée à l'ARCEP, donc pour la recherche contre la maladie. D'accord. Okay. Voilà. Okay. Donc pour essayer d'avancer dans les traitements, tout simplement. Et on aide également les personnes qui ont besoin d'aménagement, salle de bain, voiture, matériaux médicaux. Ouais. Parce que ça coûte cher, c'est un coût. Moi-même, je suis passée par là. Et quand t'as pas les finances, nous, on est là aussi pour ça. Bien sûr, sur devis, toujours. Et voilà, on essaie d'aider les personnes qui en ont besoin. Et ça, c'est bien d'aider les personnes. Alors, le mot-clé aujourd'hui, c'est le bénévole, les bénévoles, justement. Oui. C'est ce que vous avez besoin pour gérer au mieux cette association et pouvoir aider les gens. Et puis surtout, donner un peu de thunes à la sclérose en plates aussi, c'est ça? Également, Parce qu'il faut savoir, voilà, comme tu disais, il y en a une partie qui reverse aux assos. Oui. C'est important d'aider. Donc, si vous êtes intéressé, donner un peu de temps de votre week-end, vous voulez vous lancer. Alors, comme tu dis, il y a une formation qui peut être prévue. Tout à fait. Si quelqu'un n'est pas forcément animateur, mais quand envie, parce que t'as des gens, des fois ils ont envie, ils osent pas, ils sont chez eux, ils disent ouais, mais moi je sais pas faire. Alors c'est vrai que c'est pas évident de prendre un micro. Ouais, et des puis, fois, voilà, faut pas être timide comme moi, quoi. C'est ça. Sinon, tu m'as l'air vachement timide. Ouais. Non, mais c'est vrai, on peut se détimider. C'est ça que je voulais dire. D'accord. Voilà. C'est mon expression aujourd'hui. Non, mais voilà, on peut donner la chance aux gens qui ont envie et puis pourquoi pas connaître un nouveau job par la suite. Bien sûr, tout à fait. On a appris sur le tas. Hein. Et ouais, il y en a plein qui ont appris sur le tas comme ça. On prend un micro, on annonce. C'est quoi? C'est le karaoké, c'est la soirée qui va commencer, etc. Ouais. On parle de la sauce, on parle du lieu où vous êtes. Voilà, donner du plaisir aux gens, qu'ils soient bien, qu'ils soient contents de leur soirée, et puis voilà. Ouais, donc, c'est bien. Madame la trésorière, alors, qu'est-ce qu'elle a à dire aujourd'hui sur la sauce? Qu'est-ce qu'elle a envie aujourd'hui? À part les bénévoles, il y a plein de choses. Mais toi, t'as envie de quoi de plus s'il y avait à donner de la thune, ça c'est sûr. Mais sinon, qu'est-ce qui te ferait plaisir, tiens, pour Noël, pour l'association, s'il y avait un truc qui devait tomber du ciel? Moi, si je voulais quelque chose qui tombe du ciel, c'est que ma maman soit plus malade. Ça serait la priorité, ça. Ça, ce serait la priorité, oui. Ouais, c'est vrai. Séverine a dit que ta maman serait plus malade. Ça se guérit aujourd'hui ou pas? Non. Je sais pas, je demande une question bête peut-être. Non, c'est incurable, ça se guérit pas. D'accord, donc c'est un truc à vie, quoi. C'est un truc à vie, voilà. Ouais. Puis c'est évolutif dans les années, donc voilà. On sait pas trop. Mais c'est pour ça qu'il faut se battre. Eh ben on se bat avec vous en tout cas aujourd'hui. Voilà, on vous lance le micro, on vous lance l'appel. Il recherche des bénévoles sur l'animation, même si vous n'êtes pas dans l'animation. Si vous connaissez rien, ben venez tenter votre chance, pourquoi pas faire une petite formation, suivre 2-3 soirées avec vous peut-être, et puis après. Tout à fait. De toute façon, il y a toujours du monde pour les encadrer. Même chanteur, DJ, c'est du DJ. C'est parler dans un micro. Quoi. Ça s'apprend, et puis parler dans un micro, et voilà, c'est. Ok, on va faire le tour de la table pour voir qui a le dernier mot. On va commencer. Qui veut commencer? Tu veux démarrer, jeune homme? Vas-y, un dernier mot, toi. Bah, t'as pas à dire bonjour, voilà. Non, si t'avais un mot pour la sauce, ça serait quoi aujourd'hui, toi? Bah, un souhait aujourd'hui pour l'association, pour le bureau. Alors, moi, personnellement, ça fait pas longtemps que je suis rentré dans la famille. D'accord. En tant que bénévolat, tout ça. Et personnellement, ça me touche beaucoup au niveau maladie, tout ça. Et c'est vrai qu'il faut beaucoup aider, être là derrière les uns et les autres. Ouais. Et ouais, c'est triste, mais c'est triste. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est ce que je dis. Hein, tant qu'on a rien, tout va bien. Le jour où ça arrive, on est content d'avoir des gens comme vous qui les aident aussi. Bah, on parle de plusieurs maladies. Il y a plein de choses aussi. Il y a le sida, etc. On va passer au papa, au patriarche. Excuse-moi. Bah, moi, je vais dire, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est une famille, on rigole. Et c'est pour la bonne cause. C'est la bonne cause. Et c'est important, la bonne cause. Séverine, on prend le mot de la fin avec toi, si tu veux bien. Je vais passer avec la trésorière. Okay. Madame trésorière. Si tu veux un petit chèque, hein, tu peux y aller. Moi, je prends tout. Que la présidente soit d'accord. Ouais, on va le faire le dernier, on l'a vu. Ouais. Je l'ai vu, t'inquiète pas, il se cache, mais je l'ai vu. Ouais. Alors, madame la trésorière, de l'argent pour Noël, ça c'est bien. Moi, je sais très bien qu'on recherche absolument des bénévoles parce que parfois, maman aurait besoin de repos aussi. Ah ouais, bah c'est ça aussi. Ouais, parce qu'y aller tous les week-ends, c'est pas forcément bien pour sa santé. Bah oui, des fois, il faut du repos. Et beaucoup même. Ouais, moi, j'ai essayé personnellement l'animation. Ça ne va pas ? Bah, c'est que le regard des gens, en fait, me stresse. T'as peur. Tu fais comme Gilbert Montagnier, tu fermes les yeux. Et là, tu verras plus personne. C'est clair. Non, mais voilà. En tout cas, c'est le mot de la fin avec toi. Et on va passer au petit dernier qui se cache derrière le poteau. Mais je l'ai vu, hein. Bah oui, il va parler, bien sûr. Ça serait quoi ton mot aujourd'hui, juste à quelques semaines de Noël, hein? Quelques semaines de Noël. Par rapport à l'asso. À l'asso, ouais, bien sûr. Ouais. Au cadeau que tu veux, hein. Après, on peut t'acheter des trucs si tu veux. Bah après, la générosité. Ouais, des nouveaux bénévoles qu'on peut avoir. Ouais. Parce que de donner parfois 4-5 heures de son temps le week-end, bah, on peut aider beaucoup de milliers de personnes atteindre cette maladie pour la recherche et pour aménager leur quotidien. Voilà. Toi, ça va? Tu fatigues pas trop? Tu tiens le coup? Ça va. Eh ben, c'est bien, Zoé. Je vais laisser le dernier mot à toi, Séverine, hein, si tu veux bien. Ok, pas de souci. Donc, bah, oui, je vais dire comme tout le monde. Déjà, je voulais remercier toute ma petite famille d'être là. Juste un petit mot. Les sociétés qui donnent de la thune à la sauce, c'est déductible des impôts, ça? Oui, tout à fait. D'accord, je m'en renseigne. Oui, voilà. Oui. Ça, oui. Ok. Pas que les sociétés, hein. Non, tout le monde. Tous les particuliers. Ouais, je parle des sociétés, je sais pas pourquoi je parle des sociétés. Les particuliers aussi, quand on est en soirée privée, hein. Ouais, on remplit ça sur la feuille d'impôt, tac, ça déduit, hein. Oui, oui. On donne une feuille de don et Et on le note sur la feuille d'impôt. Exactement. Séverine, je te laisse la parole, mon ami. Donc, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. En tout cas, on attend beaucoup de bénévoles, ce serait pas mal. Et surtout se rappeler pourquoi aujourd'hui. Pourquoi, j'insiste. Ouais. Voilà, pourquoi. Peut-être que par la suite, ça vous servira. Oui, et exactement. Et vous direz, en fait, j'ai bien fait de le faire parce que moi, aujourd'hui, j'en suis là. Oui. J'ai besoin. Hein, on parle de la sclérose, de l'œdème, il y a plein d'autres maladies, on va pas tous les énumérer parce bien qu'on sûr, en passe la journée ici. Ouais. Mais en tout cas, vous faites un sacré job. Hein. Franchement, c'est déjà le bénévolat, c'est pas facile. C'est pas évident. Il ouais. faut être honnête, en France, il y a de moins en moins de bénévoles. Tout à fait. Ça, c'est vrai, hein, que ce soit même dans les restos du cœur, etc. Les gens ont plus trop envie. Bah, oui. Parce que aujourd'hui, il faut être honnête, hein, le coût de la vie a augmenté. Les gens, ils veulent travailler, ils veulent bien de sûr. L'argent. Et voilà, c'est ça aussi, hein, c'est vrai. Bien sûr, voilà. Tout à fait. Hein. Là, tu parles de la radio, il y a 200 bénévoles en bas. Et on veut travailler pour toi. Ça va bien. Ce serait un beau cadeau de Noël. Voilà, c'est donc je lance encore l'appel. Donc, c'est l'association Save Eventing, si je me trompe pas. C'est ça. Je vais noter comme ça, je suis sûr. Sont à la recherche de bénévoles dans l'animation. Si cela vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à les contacter sur leur Facebook. C'est Sev, SEVENT/SING. Tout à fait, on a une page Facebook. Voilà, leur page Facebook. Allez les liker, allez les voir, allez voir ce qu'ils font. Et puis, vous lui envoyez un petit message. Vous leur dites, moi, ça m'intéresse, le bénévolat. Ou alors, carrément, à la radio, vous nous appelez sur le standard 02 38 43 48 00. On a fait le tour, les amis. Ouais, merci beaucoup, Francky. Bon, merci, vous venez quand vous voulez. Hein, okay. Alors, c'est rigolo parce que la semaine dernière, j'avais Olivier Carré qui était à votre place. Voilà. Toi, t'es à la place d'Olivier Carré. D'accord. Voilà. Ok. Donc, c'est rigolo, on passe de toi à tout. Voilà. Exactement. Et ça fait plaisir. C'est ça, Radio Arc-en-Ciel. Demain, on aura le cirque Grus, vous connaissez? Oui. Avec Sigrus. Oui. Oui. Voilà, et ils seront là dans les studios, ils vont jongler, ils vont faire des cascades, on va brûler les studios, on va en faire pareil, quoi. Non, je rigole, attention. Ouais. Et pourvu que les studios prennent pas feu cette nuit, vous connaissez moi. Tu m'étonnes. Merci à vous, les bénévoles. Et puis, il y a une soirée ce week-end, il y a quelque chose, on va faire tout à la Zumba un peu, on tout va danser. Tout à fait. Donc, vendredi et samedi, c'est soirée karaoké, donc au restaurant. Et on chante, c'est voilà, ça. Ouais. Et voilà, tout et puis moi je vais t'entendre, on chante bien. Il y a des bons on chanteurs. Chante et on danse. Et on danse. Aussi également. Voilà, et puis on donne un peu de tu à la pépette à l'association aussi. Exactement. Hein. Et justement, si ça vous intéresse ce week-end, allez les voir au restaurant et puis allez constater par vos propres yeux, vos oreilles. Et puis allez-y, hein, ne soyez pas timide, dites-leur, moi j'ai envie d'être animateur, j'ai envie de faire du karaoké aussi. Tiens. Ouais. Merci. Avec plaisir. Merci à toi, Francky. Merci. C'est la famille. En direct sur Radar Conseil, la famille qui vient d'arriver. Voilà, si vous êtes, vous voulez chercher du bénévolat, eh bien voilà, ça peut vous intéresser. Ça sent Noël, ça sent très bon même. 17h02 avec Last Christmas. Ça, c'est mon poteau qu'on va essayer d'appeler. Tiens, Rodrigo Ace, en direct sur Radar Conseil. En direct, j'ai dit. Voilà, c'est là. Normalement, c'est là. Si ça part bien. Ah, c'est là, c'est pour ça. Ils m'ont perturbé. Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después. Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra. Así. Rodrigo Ace. De todo corazón les deseo feliz Navidad. después. Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra. Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra. Oh, it's your boy, el latino francés, desde París para el mundo, ondas positivas. Tu actitud me hizo cambiar, me escondo de ti, de tu alma helada. Sé que me hipnotizaste, yo fui solo un hombro donde lloraste. De ti me enamoré y fue pura pasión. Por ti tanto lloré hasta perder a sol. Oh, oh, oh, yo tengo un nuevo amor, no ganarás otra vez. Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después. Give it to someone special. Rodrigo Ace, conmigo la producción, P-Top, y a la guitarra el maestro Mr. J. Dale mano. Rodrigo Hayes, Last Christmas, ça sent bon Noël. Ouais, on est le bientôt le 10, là, dans 15 jours, ça y est, hein, c'est parti. Hein. Joyeux Noël, 17h07, la météo qui arrive. Et avant, c'est Céline Dion. Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux d'État sans violence et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine. Va pour tes forêts, tes loups, tes gratte-ciels. Va pour les taureaux, tes neiges éternelles. J'habite tous tes yeux brillants. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Je veux des cocotiers, des plages et des palmiers sous le vent. Le feu du soleil au visage et le bleu des océans. Je veux des chameaux, des mirages et des visages. Des caravanes et des voyages comme sur les déclients. Va pour tes cocotiers, tes rivages. Va pour tes lagons double balançant. J'habite tout l'amour et ta village là où l'on m'attend. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. On t'a quitté des claques et des rêves et ta vie. J'ai monté ta vernacle et ta langue d'ici. T'as pété la poudre et la fille de l'air. Montre-moi tes idées, montre-moi tes enfers. Tes nord et puis tes sud et tes affaires d'ouest. All right. Allez, quand c'est l'heure de vous retrouver, 16h, 17h, 10 minutes en direct à la radio. On est bien avec du son caliente qui arrive et c'est le son de Ozuna. C'est énorme ça, le son latino, hein, 17h13. Ozuna Sensation qui arrive. Heureux d'être avec vous, la météo qui arrive pour demain. Eh bien, ça va. La météo. Demain, nous serons le 10 décembre. Ouais, ça y est. Eh ben, 15 jours en Noël. Aujourd'hui, ça va 14 jours le 24. Ouais, ça passe. Vous avez préparé les cadeaux, ça y est. Côté météo, le ciel demain sera couvert, malheureusement, avec du soleil quand même. Les températures au lever du jour, 5 degrés, et on dépassera pas les 7 petits degrés. Couvrez-vous. Ça, c'était mes débuts dans le showbiz, on va dire. Laisse tomber tes problèmes, la prise de Dr Alban. Et c'est le collectif qui arrive. Let's go! L'After Job avec Francky, aujourd'hui de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Les bons souvenirs 2012, l'île de la Réunion avec Willy William et mon poteau DJ Assad. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Ben, je suis content pour le chanteur Renaud, hein, le dernier titre du chanteur Renaud, Les Mômes et les Enfants ont d'abord se hisse au sommet des charts, hein, avec plus de 70 000 exemplaires vendus. C'est énorme, bravo Renaud qui a traversé comme une sale période et ça va lui faire du bien, ça va le rebooster. Allez, on boit sa santé, avec modération bien sûr. Justement, Claudio Capeo qui reprend superbement Renaud. Voici Morgane de toi par Claudio Capeo et ça on adore. Il a au moins 4 ans. Il veut te piquer, t'appeler ton saut. T'accouches culotte avec les bons becs dedans. Lolita, défends-toi, fous-y un coup de râteau dans le dos. Attends un peu avant de te faire emmerder. Par ce petit macho qui pense qu'à une chose, jouer au docteur conventionné. J'y ai joué aussi, je sais de quoi je cause. Je connais bien des playboys, des bacs à sable. Je draguais leur mère avant de connaître la tienne. Si tu les écoutes, ils font porter leur cartable. Heureusement, je suis là que je te regarde et que je t'aime. Lola, tu es qu'un fantôme. Quand tu vas, oh, je suis pas. Et c'est maman. Je suis Morgane, toi. Comme j'en ai marre de faire tatouer des machins qui me font comme une bande dessinée sur la peau. J'écris ton nom avec des clous dorés, un par un planté dans le cuir, dans mon blouson, dans le dos. La seule gonzesse que je peux tenir dans mes bras, sans me démettre une épaule, sans peser son poids. Tu pèses moins lourd qu'un moine qui mange pas. Déploie jamais tes ailes, Lolita t'envole pas. Avec tes miches de rat, qu'on dirait des noisettes. Et ta peau est sucrée qu'un pain au chocolat. Tu risques de donner faim à des petits mecs quand tu iras à l'école, si jamais tu y vas. Lola, je suis qu'un fantôme quand tu vas. Sous les Morgane, de toi Claudio Capéo qui reprend à merveille le chanteur Renaud qui cartonne en tête des ventes avec son single Les Mômes et les Enfants. D'abord, c'est plutôt rigolo. Galère à Paris quand même, hein. Ce matin plus de 600 km de bouchons, c'est énorme. Et puis plus d'un tiers des dépôts des bus de la RATP bloqués et par les grévistes. Ah là là, la galère à Paris quand même. Un petit peu chez nous, ça sera mardi, bah demain. Claude Jobin qui arrive pour le meilleur des souvenirs sur Radio Arc-en-Ciel, 17h27 minutes. Et puis on parle de notre invité qui sera là en direct demain après-midi. Ça va être du cirque, ça va être du très très faux, du très très beau. On en prendra plein les yeux demain. On vous en parle, Alexis Grus dans les studios de la radio. What's the matter with the way we look? Surely it's not the end. I've only meant to make my emotions clear. You wear it too much if it's understood. Should we be seen as friends? Seems like a real good beginning right here. Cause when your heart is weak, I'm gonna pick the lock on it. My fingertips won't fail me, no matter what you do. The love you cannot see, yeah, I'll do it and there's a knowing. And you can twist that. See how you came. You put me off and I will hunt you down again. I'm mighty patient when I have to be. You have given me that. Still I look forward to the day you let me in. Cause when minutes avec Coach Robin, When Your Heart Is Weak, toujours numéro 1 des clubs, avec le Black Eyed Peas qui arrive et J Balvin, et ça vous adorez, et ouais, Rhythm of the Night, la reprise de Corona. Toda la noche rompe. Hyundai. No. Sin estilista luzco fly. Yes. La Rosalía me dice que luzco guay. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta. Yo te espero y tengo claro que es mi culpa. Mi culpa, culpa. Como Canelo en el ring nadie me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Hakuna Matata como Timón y Pumba. Voy pa' leyenda así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba. This is the rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, rhythm of the night. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. ¿Sabes cómo lo hacemos, baby? This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. Mi padre tiene dinero. Mi padre to the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos. Al otro día volvemos. ¿Sabes cómo lo hacemos, baby? This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. Mi padre tiene dinero. Mi padre to the extremo, extremo, extremo. Ritmo. The rhythm, the rebel, styles upon styles upon styles, I got several. Wanna be wild cause I live like a dead devil. Live it up, hit him up, that's the scenario. Tupac, I get around like a merry-go-round rooftop. I am on top of the pedestal, flu shot. I am so sick, I need medical, woo-da. I learned that shit down in Mexico. The rhythm, the rebel, new and improve, I be on a new level. That's how we do it, we build it like Lego. Feel on a fire, you're dealing with fuego. Can't stop, I am addicted, I never quit. Won't stop, don't need to speak to no therapist. Don't stop, keeping it moving's the narrative. I'll stop, do it like whoop, there it is. This is the rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, rhythm of the night. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos. C'est bon ça, la prise de Corona, The Rhythm of the Night avec Black Eyed Peas, J Balvin, du son latino Ritmo. Demain, il sera notre invité dans les studios de la radio et je suis vraiment heureux de l'accueillir. C'est Alexis Grus, le cirque en direct de la radio. Et là, ça va être du très très fort, hein. Ça me fait vraiment vraiment plaisir. C'est la première fois qu'il vient à la radio Arc-en-Ciel et on va l'accueillir avec plein d'étoiles. Tiens, on va faire un numéro de cirque demain en direct. Ne ratez pas cette superbe émission. Demain, Alexis Grus dans les studios de la radio. Fais pour moi, ne regarde pas autour, essuie mes pas. J'ai trouvé un homme si beau et si doux. Je ne savais pas qu'ensemble bientôt on créerait un nous. Cet enfant qu'on est tombé à. C'était qu'un jeu, je ne partirai pas demain. Embrasse-moi comme tu sais, ton cœur est tout ce que j'ai, et dans tes yeux tu tiens le mien. Bébé, je partager sa vie. J'ai trouvé l'amour pour supporter plus que mes secrets. Pour cet instant, plus je porterai nos enfants. Nous sommes encore jeunes, mais nous nous aimons. Luttant contre le temps, je sais que tout ira pour nous deux. Chérie, tiens-moi la main, suivant notre chemin. Je vois mon futur dans tes yeux. Beau l'amour, 17h39 minutes, je prends ma voix là. Vous rappelez à l'époque, c'est sexy clip sur M6. Franchement, on l'a regardé tous, hein. Franchement, tout le monde l'a regardé ça. C'est sexy clip. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi avec le nouveau Pokora qui arrive. Tombé, le remix, c'est sur un arc-en-ciel. 17h39 minutes, l'Espagne qui arrive dans 20 minutes en direct. Premier regard, tout ce qu'on s'est dit dans le fond du bar. Si jamais la vie n'est pas mon côté, ne veut pas de nous, non, ne veut plus jouer. On se perdra, c'est sûr, mais jamais longtemps. On se retrouvera, je suis sûr, comme un jeu d'enfant. On se perdra pour sûr, mais avec le temps. On se donnera, c'est sûr, comme dans nos jeux d'antan. Je suis tombé, tombé, tombé. Je suis touché par nous. Peur et confiance en moi, je prendrai ta douleur, tu verras ça ira. Si jamais tu doutes, je te fais la promesse de garder sur ta route les mots, la tendresse. On se perdra, c'est sûr, mais jamais longtemps. On se retrouvera, je suis sûr, comme un jeu d'enfant. On se perdra pour sûr, mais avec le temps. On se donnera, c'est sûr, comme dans nos jeux d'antan. Je suis tombé, tombé, tombé. Je suis touché par nous, ma reine. Tu as gagné, je ne suis qu'un fou. Si jamais fini, non. Je suis tombé, tombé, tombé. Je suis touché, bravo ma reine. Tu as gagné, je ne suis qu'un fou. Un fou à enfermer. Je suis tombé, je suis tombé. Je suis tombé, tombé, tombé. Je suis touché, bravo ma reine. Tu as gagné, je ne suis qu'un fou. Faites gaffe, hein. 17h41 minutes. Je voulais remercier aussi tous les participants de la course des trois ponts. C'était ce week-end Orléans, hein. Plus de 3500 participants. C'était du très très lourd, hein. Une belle course encore Orléans qui met en avant côté sport la ville d'Orléans. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi. 17h42 minutes avec Turn Me On, la prise de Yazoo sur un arc-en-ciel. Was made of stone.

cas, quel bon souvenir avec Grégoire. C'est quand? Bah, c'est tout de suite, hein. Je qui arrive dans moins de 3 minutes. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi, un bon début de soirée. À Maria, coucou Maria qui nous écoute, qui vient de m'appeler. Salut Maria. Maria, je vous donne rendez-vous demain. Je serai là, 17h-19h. Et puis demain, Alexis Grus sera dans les studios de la radio. Ça va être du très lourd. Normalement, il y aura une petite surprise avec lui. Normalement, si tout va bien. En tout cas, on vous donne rendez-vous demain à partir de 17h jusqu'à 19h. Francky, l'after job après le boulot. Et bonsoir à toutes les Maria. Puis une bonne fête à tous les Pierres aujourd'hui. Salut les Pierrot. Et j'en connais plein mal. Tiens, Pierre Cobel, mon ami, je le salue. Salut la famille. Rendez-vous demain, 17h-19h. Arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos. La vie est belle sur Arc-en-ciel Orléans.